Un micro pour cracher sa hargne, un morceau pour hurler sa rage. 8 mesures pour clamer son amour, 7 minutes 50 pour vomir sa haine. Quelques secondes pour prendre la parole parce qu'on ne la donne jamais. 20 MC qui représentent corps et âme, leur ville, leur crew, leur rue, leur crèche, leur vie. C'est maintenant ou jamais, soldat, plaide ta cause. Dans mes yeux, je n'écris pas sur un coup de tête. Consciencieux, je ne suis pas ceux qui se battent pour un bout de terre. Si la chance tourne, j'offre mon tour à mes frères. À l'exhaleur, mes valeurs n'évoluent pas qu'en jour de fête. Écoute mes textes, la coupe est pleine. Moi je m'en fous que mon crew pèse ou que mes couplets plaisent. Sur la route de mes rêves, je m'avoue téméraire. Comptant mes défaites, ma vérité ne s'ouvre pas les veines. J'attends mon heure comme Kofi dans la ligne verte, mec. Pour OBAK, c'est le poème du meurtrier. Illégal dans les écrits et narrateur du macadam. On fait du rap en narcotique, mélangé de rire et de drame. Yo, yo. Le cœur qui saigne, poignardé par un Johnny pur. La larme à l'œil vu que l'alcool réveille les vieilles blessures. Yo, yo. Je pense aux miennes, à l'estime de l'autre côté. Ainsi soit-il, les années passent et mon hérisse reste pas la frais. Une bête vie pour un gars banal, c'est déjà pas mal si t'as la patate. On déconne mais c'est pas Bagdad ma zone. On traumatise comme une soirée arrosée qui finit aux latrines. Moi c'est devant le mic que j'ai trop la triste. Pour nous ils font pas meurs jeunes comme Big Popa. Beaucoup de grandes gueules mais pas beaucoup de bites potables. Parmi mes potes presque tous sont insortables. Inconfortables on te tue pour un portable. J'ai plus mesure pour plaider ma cause. Un couplet, un hématome. Et ma tombe se creuse pendant que les autres plombent le matos. Si je tombe faut que je sauve ma peau. Pompe moi si t'es marteau. T'es con quoi, retourne-toi. Pousse-toi c'est l'hécatombe. Bouge-toi si les gars sont chauds. Si les gars le sont, tape ta promo, c'est que t'es un grand garçon pro. Pas d'approbation, donc pas d'association de faux. Au bac STAN, ce sera l'inondation pro. Moi des causes, j'en ai 300, je vais pas toutes vous les résumer. J'ai pas le temps, je vais droit dedans, éclater tous les préjugés. J'ai vachement besoin de faire passer mon état de manque. Laisser marque et empreinte dans le brasier immédiatement. Merde, j'ai squatté la variante qui faisait office d'aération. Bah, pas de chance, je serai à plat ventre après l'opération. Y'a pas trop de break quand les belges s'excitent. Tu réclames un bol d'air, bah fais un geste technique. Ok, ok, así lo vamos a hacer, claro que sí, como que no. Je plaide ma cause de la machination. Comme toujours un 10 sur 10 à la réception. Connais ce move et ses machinations. On défend nos positions, pas de récession. Ceux qui manquent de motivation, d'imagination, n'utilisent qu'une infime portion de leur réflexion. On est né pour vaincre toute forme de répression. C'est que l'injustice règne en rue que mes réflexions. Quand je plaide ma cause, je prends d'assaut le matos. Pour pas que le gros lame se rassaisonne la sauce. Peu de pesos dans les poches et peu de mes sauces. On déborde mon futur. Est-il reflet de mon époque? Malgré la taille, je me faufile sous les brèches. Essaye pas de stopper un poids lourd avec une bêche. Pas la peine de parler, ma cause c'est les miens. Mon équipe, mes potes que je représente au quotidien. On a cramé la Belgique, on a tapé dans la crème. Venu craquer sur le thème, ouais si t'y tiens c'est ce que t'aimes. Tu sais, t'es saqué dans les baffles, ton attaque est à la traîne. J'ai qu'au pack et dans la game, les gars sont là pour qu'aime. Venu plaider pour les vrais, ceux qui viennent t'aider dans les frais. J'ai freiné par les traîtres et je les traite sans qu'ils m'effraient. Le beat à la frais, les frères ont cravaché. Le monde on le refait toujours à l'arraché. Tort, l'histoire connaît ses torts. Moi y'a tant de crimes, y'a tant de grâce. Comme il par visage Palman du haut de leur parlement. C'est par le mal qui brille nos terres, qui brille nos pères, qui brille nos pères, leurs rares frères. Comprends ainsi pourquoi j'en parle au rage. Je vois rouge car cous, ils ont nos bénéfices. Rendez-le nous à mon peuple, ça serait bénéfique. L'Afrique sup, pendant que vos filles à vous sont magnifiques. Ça va être nos sous le pire, c'est ça qui est magnifique. Je suis comme ils se mêlent à la rue. On voudrait saigner, on soit des cuits, soit des crues. J6 niggas, de baise et du sud. Le rap c'est un sport, soit t'es bon, soit tu pues. Je veux de la maille frère, en euro, en écu. Les pics pensent qu'être palais c'est faire de la muscu. Ce truc est petit, enfermé comme la tôle. On a rien en commun, opposé comme les ponies. Ok ok papi chulo, eso es, ya no tenemos tiempo. Dale, dale, dale. Yo, c'est pas des bêtes bobards de la part de l'hosto. Tu penses que les gens se tuent beaucoup plus dans les accidents de moto? Admettons, mais c'est quand même un comportement sadomaso. Faut que je me décide, sinon je vais y laisser ma peau. Comprends, quand je déprime, je prends des gros comprimés. Quand on s'y met pour stopper, ben c'est très compliqué. La mort à petit feu, le suicide à petit feu, c'est trop tôt. Faut appliquer, pas abdiquer pour être costaud. Existence étrange que j'évacue dans trop de vacarme. Une tranche de vécu qui ronge, un esprit invaincu à l'allure macabre. Race de vandale, en éruption comme un volcan. Évoque la rancœur ressentie, n'invoque plus les cieux. Puis qu'on m'appelle macaque, pendant que l'avocat m'inculpe. Décor amer de la rue suit son cours. Par cœur, je connais le parcours. Cette impression déjà vue laisse un sale goût. Trop fier pour crier au secours. Je tombe toujours autour de vous comme un vautour. Scènes sont juste comme une mesure pour venir lâcher quelques rimes. Pour foutre un toit à toutes les causes qui me gavent. Alors où règne le crime avec tous ces MC fâchés. toujours plus engagé. Normal que la merde qu'on nous impose, on ait envie de la cracher. KRIP, toujours droit, toujours l'envie, donner de moi-même. Prête à divaguer sur les nombreuses ondes sonores que l'on m'amène. Si je m'en bats, c'est que j'ai de la peine, mais qu'elle se mêle pas à ma flemme. Ce qui me permet de venir plaider, d'entrevoir, se briser la chaîne. Exact, j'ai la plume, la fait A4. Attaque le beat comme la bouffe partage à table. Lent est mon rythme cardiaque, puis mesure. J'ai le sang froid du sale type lors d'un cardiaque. Donc Chris Vite, Jason Blood est armé d'abdistif. Si je prie, c'est pour que le style fasse un big hit. Si fines sont les chances, donc je fais mon taf dans mon fat farm. Je cache un traquenard pour mes victimes. On rêve de vivre ivre de bonheur, sobre de biais. La richesse de nos cœurs est loin au-dessus de celle de nos porte-monnaies. L'union fait la force, fallait qu'on suive la devise. On vise haut, c'est le cas. Nous freine pas ou on te brise. Des chars d'assaut prêts pour le combat. Pas de vassaux ici, chacun d'MC est roi. L'empire est vaste, man, faut le défendre. Combien de faux frères veulent te baisser des hip-hop sans comprendre. Sous le volume, sous le pitché volume. Bruxelles représentamos. J'vois mes potes et mon rap, non à part ça, pas grand chose. J'suis bien quand j't'en parle ou encore mieux quand j't'en cause. T'inquiète, on fait pas ça ni pour la gloire ni pour en vivre. Tout ce vrai, tu le verras, l'intention ne reste authentique. Et ouais, j'parle. Et peu importe que tu comprennes, peu importe que ce qu'on fait, n'est pour toi rien de concret. Mes potes et mon rap, moi y'a que ça pour me faire vivre. On pack deuxième album et j'ai besoin de peu pour te l'écrire. Libre de ce que j'ai dit sur l'album de Pâques en inédit. J'viens placer mes empreintes à l'encre de l'érudit. Mon ton est éloquent, l'armée alarme à l'œil petit. Donc à toi de prendre le temps de bien comprendre tout ce qu'on te dit. Le message est simple mais a du mal à être assimilé. J'assure sa propagation MC en provenance du 6000. Appelez-moi Saladin, Inox pour les intimes. J'viens envahir les ondes jadis comme Jérusalem fut repris. Quelle est ma cause, quelle est ma guerre, une vie sans pause. Telle est ma tôle, le rap, telle est mon game. Me laisse la prose en hématomane. Tel est mon coma, le mic dans la paume. Le stress dans la peau et tous ces gens guise de trauma. Sans slogan, l'essence bloquant. Comme sans essence, le sang dans le sang dès la naissance. C'est l'étude pour seul but, les putes et les stupes. Les putes naissent plus, les puces et les scrutes. Et les plus faits les stupes. Pour ma cause, j'suis prêt à tout fatalement. Clash pas, Sky et Marie-Jeanne sont mes seuls calmants. Méchamment, j'tourne en rond, refais le monde à chaque couplet. J'vois avec la sellette à chaque texte que j'fais écouter. Y'aura pas d'highlight ni de Bentley dans mon clip. D'ailleurs y'aura même pas de clip, parce que j'ai même pas de fric, papa. J'fais pas des dollars, mais de l'art. J'paye en nature morte, en œuvre d'art. Même si je ne devrais pas. J'kiffe l'ego trip, pas l'ego pute qui trompe le rego. On négocie le titre, pendant que réceptique j'rigole. Pas au peu depuis qu'ils disent qu'on n'est pas OP. J'ai comme un pied pris dans le ciment, mais prêt à galoper. OPAK, la morsure joue balle au pied. Depuis qu'on combat l'abus ou l'oubli après l'appel de la baie. Je viens réveiller la bête, présent du 1400 au 5000. L'étincelle est dans la Benz. Ils auraient préféré nous voir museler, nous bâillonner, nous enchaîner. Ils voudraient qu'on consomme et qu'on ferme sa gueule. Qu'on suive au pas comme des gentils moutons. Mais un soldat ne dort pas, mon frère. Il plaide sa cause et meurt au combat. Micro à la main.